Autrefois ici coulait une rivière. Au parfum d'argile et de lumière, des herbes folles sans camisole, de la nature sans clôture, une seule horloge sans aiguille. Teintée de sel et de colère, du béton armé, une terre asséchée, une avenue sans fin, sans but. Et des gadgets toujours en retard,